invite à regarder la croix de Jésus. Et faire le signe des chrétiens, le signe de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonne et sainte fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Bienvenue à chacun. Il y a des habitués qui viennent régulièrement à la cathédrale, très pratiquement tous les jours, toutes les semaines. Il y en a qui viennent particulièrement pour ce grand rendez-vous de la fête de l'Assomption, le 15 août. Bienvenue et vous savez, vous touchez le cœur de Marie, vous touchez le cœur de Dieu en étant ici, en ouvrant votre cœur à la présence de Jésus et à la présence de Marie. On va chanter l'Alléluia. L'Alléluia, c'est « Vive le Seigneur ». Alors, ça va être chanté par sœur Irène, et vous allez reprendre de tout votre cœur pour écouter, pour acclamer l'Évangile. On y va.